Bella est belle comme une rose, sucrée comme un rêve. Mon bijou c'est une chose, attends rendre chèvre. Ça il faut que je passe à autre chose, en attendant je suis bourré. Je vais boire un plan vers métro la rose. Je connais le chemin, je peux pas me gourer. Je croise ma team à la gratte, cagoulé ça me fait le signe. Rien à faire, je tombe dans la place. Je vois des mecs qui chient des mecs en place. Peux-tu te regarder dans une glace? Peux-tu marcher la tête haute? Peux-tu ne pas être jaloux quand ton pote il brasse et qui rend fier les nôtres? Quand je vous dis que tout va bien, c'est que tout va mal. Drôle de vie de chien, ils ont trop la dalle. Envie de prendre les biens et de faire la malle. L'ami, je t'aime bien, dans la tête, tu me fais mal. Tout va bene, tout va bene, tout va bene, tout va bene. Marcher la tête haute.